ce soir faire la fête. Je connais un petit bistrot marrant qui s'appelle la dernière guinguette. Ça n'a pas changé depuis 20 ans. Tous les samedis soirs, on y retrouve les succès de la musique à papa. Et à chaque fois, on y découvre des trucs que nous ne connaissions pas. Une tête de mauvais garçon. On n'y voit jamais un uniforme, sauf un militaire en permission.